Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 11 novembre 2022. Voici les grands titres de cette édition. L'Union européenne exige de la rigueur dans l'exécution du projet de modernisation du port de Bujumbura qui coûtera près de 100 milliards de francs burundais sur un délai de 24 mois. Un contrat relatif a été signé ce jeudi soir. Vous entendrez tour à tour la ministre en charge du transport et l'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi. Certains hommes s'intéressent au petit commerce habituellement fait par des femmes. Reportage personnalisé sur un homme qui vend des frites de patates douces sur la rue en zone Kinama. Et dans la chronique environnement, un expert nous expliquera que la pêche illégale et l'érosion sont parmi les dangers qui menacent la biodiversité aquatique dans le lac Tanganyika. Voilà pour le sommaire. Le projet de modernisation du port de Bujumbura sera exécuté à près de 100 milliards de francs burundais dans un délai de 24 mois. Le début des travaux est projeté à la fin décembre, début janvier. Annonce faite par la ministre en charge du transport, Marie-Chantal Nijimbere, après la signature ce jeudi soir du contrat relatif entre l'entreprise KICC, chargée de l'exécution, et l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire. Elle indique que la voie lacustre apportera une plus-value en termes de réduction de temps et des moyens comparativement à d'autres moyens de transport. Suivez-la. Le gouvernement de la République du Burundi a bénéficié d'un don émanant de la tripartite Union européenne, Banque africaine de développement et du gouvernement du Burundi en vue du financement du projet multinational Burundi-Zambie de développement du corridor de transport sur le lac Tanganyika. La phase 1 consista à réhabilitation du port de Bujumbura. Il est prévu qu'une partie des ressources de ces dons soit utilisée pour exécuter les travaux de réhabilitation du port de Bujumbura et ses voies d'accès. Nous saisissons cette occasion pour remercier vivement l'Union européenne et la Banque africaine de développement pour avoir pris le lead dans la mobilisation du financement de ce grand projet d'infrastructure qui va nous permettre d'accroître la performance mais aussi les recettes via le transport sur le lac Tanganyika. Nous saisissons cette occasion pour féliciter l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire, l'agence d'exécution du projet, pour les efforts fournis en vue d'aboutir à cette étape cruciale de signature de contrat des travaux. C'est dans cette optique que nous interpellons l'entreprise Kuri Contracting Company qui vient de signer le présent contrat à faire tout son possible pour démontrer son expertise mais aussi sa technicité pour que les travaux soient achevés dans les délais de 24 mois tels que prévus dans le dit contrat. Nous recommandons aussi à l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire l'agence d'exécution du projet à offrir des facilités offertes par le présent contrat pour permettre à l'entreprise d'exécuter les travaux sans entrave. De son côté, Claude Bouchu, ambassadeur de l'Union européenne au Burundi, qui a représenté les partenaires financiers, entre autres la Banque africaine de développement et l'Union européenne, exige la mise en œuvre de ce projet sans compromettre la qualité des ouvrages pour éviter les dégâts pouvant surgir lorsque la construction n'a pas respecté les normes. On écoute. Le montage et l'approbation de projets de réhabilitation et de modernisation du port de Bujumbura a mobilisé beaucoup de ressources, beaucoup d'efforts et de patience de la part du gouvernement, de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne. Et aujourd'hui, une partie difficile commence, c'est-à-dire la mise en œuvre des travaux de manière concrète sur le terrain, dans les délais, dans les limites du budget, sans compromettre la qualité des ouvrages, en respectant les mesures de sauvegarde pour l'environnement, on a vu que c'était prévu dans certains des paquets, les normes sociales et culturelles, la dimension du genre et bien sûr une bonne gouvernance. Pour rappel brièvement, le financement ou la part des lieux financement est la suivante. La Banque africaine de développement et l'Union européenne mettent grosso modo une vingtaine de millions d'euros et le gouvernement du Burundi 2 millions d'euros, ce qui fait un total de 100 milliards de francs burundais. Ce projet d'envergure régionale a connu un peu de retard au démarrage, l'a déjà été dit, et nous sommes interpellés pour garantir la construction des ouvrages durables et résilients, car le port est un outil stratégique pour le commerce et la paix dans la région. Ceci est un clin d'œil direct aux entreprises de travaux et de supervision, mais aussi aux gestionnaires de ce projet. Nous n'avons pas droit à l'erreur, car si le lac se fâche, les dégâts sont immenses, comme on l'a vu récemment, avec la montée de ces eaux. La résilience de l'infrastructure aux effets du changement climatique est un élément clé. Claude Bochu, ambassadeur de l'Union européenne au Burundi. Et puisque nous parlons coopération, sachez qu'un échange de notes a eu lieu ce vendredi entre le ministre burundais des Affaires étrangères et l'ambassadeur du Japon sur une coopération dans le domaine de la santé. Le ministre Albert Shingiro a précisé que le matériel promis est d'une valeur de 2 millions de dollars américains. Il a en outre indiqué que la coopération va dans les deux sens. D'autant plus que le Burundi aide aussi le Japon au sein de l'Organisation des Nations Unies et ailleurs pour faire passer des projets. Il est 13h03 à Bujumbura et sur Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Un enfant est mort foudroyé dans l'après-midi de ce jeudi dans la localité de Kansega de la zone d'avant commune Buganda. 5 autres qui étaient avec lui ont pu échapper belle et ont été conduits directement dans les structures de soins. Pour le moment, ils se sont rétablis. Des sources de Kansega affirment que ces enfants ont été foudroyés alors qu'ils s'abritaient sous un arbre contre la pluie. Ces mêmes sources précisent que l'inhumation du corps de la victime a eu lieu le matin de ce vendredi. Une personne d'une trentaine d'années originaire de la colline Ruhororo en commune Muruta de la province Kayanza est morte par suicide le matin de ce vendredi. Les informations fournies par le chef collinaire Ruhororo disent que la victime a volé des avocats de son voisin et les administratifs à la base promettaient de statuer sur le cas le matin de ce vendredi même. Selon les mêmes informations, cet homme a été retrouvé pendu sur une branche d'un avocatier et il est mort par suicide. Au cours de ces deux années, environ 25 personnes se sont suicidées à Kayanza. La fin du mois passé, à l'occasion d'une réunion du Premier ministre du gouvernement burundais avec les chefs de service à Kayanza, Gervais Ndirakobucha a donné un délai de ne dépassant pas un mois pour que les mobiles de la recrudescence des cas de suicide dans cette province soient connus. Et dans le reste de l'actualité internationale, avant d'autres nouvelles et la chronique sur l'environnement, en Afrique du Sud, un syndicat de fonctionnaires a mené une grève jeudi 10 novembre, c'était hier, pour réclamer de meilleures hausses de salaire. Après des négociations, le gouvernement sud-africain a décidé d'imposer une augmentation de 3%, la première depuis 2018. Mais elle est très loin d'être suffisante, selon les grévistes. Le gouvernement explique de son côté être limité par le budget et l'impossibilité d'alourdir la dette sud-africaine. D'autres syndicats impliqués dans les négociations avec le gouvernement délibèrent toujours pour savoir s'ils appelleront bientôt eux aussi leurs membres à faire grève. Et le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine débute une réunion décisive sur le Tchad ce vendredi 11 novembre. Les 15 membres de cet organe chargé de la prévention, la gestion et le règlement des conflits va se pencher sur un rapport du président de la CPS, Conseil paix et sécurité, le Tchadien Moussa Faki, qui demande des sanctions contre le pouvoir de transition dirigé par le président Mahamat Idriss Déby Itno, refus de respecter une durée maximale de 18 mois pour la transition comme promis, ou de respecter l'interdiction faite aux militaires au pouvoir d'être candidats aux prochaines élections. Pour le président de la Commission de l'Union africaine, les choses sont claires et nettes. Les exigences et autres décisions du Conseil paix et sécurité ont été totalement ignorées et n'ont pas été respectées par les autorités de la transition. Sachez que le texte a fuité sur les réseaux sociaux, ce qui a provoqué la colère des autorités tchadiennes, écrivent nos confrères de Radio France Internationale. Le journal se poursuit. Certains hommes s'intéressent au petit commerce habituellement fait par des femmes. Un exemple typique est celui de Célestin Yonzima du quartier Gitega de la zone Kinama. Il vend des frites, de patates douces. Il signale que ce métier lui procure de l'argent pour faire vivre sa famille. Le chef de l'avenue où il habite précise que ce commerce a aidé beaucoup de gens et invite les autres à suivre cet exemple. Jean-Marie Mayonga la rencontre. Cette activité de vendre les frites de patates douces sur les routes était auparavant destinée aux femmes. Mais aujourd'hui, le constat est qu'il y a les hommes qui font ce petit commerce pour faire vivre leur famille. Célestin Nyonzima est l'un des hommes qui fait son commerce rencontré dans la zone d'Okinahama à la 10e avenue. Il signale que cette activité lui fait du bien car il trouve la ration quotidienne et résout certains problèmes dans son foyer. De son côté, il n'y a pas de problème de faire son commerce étant un homme. Il explique qu'il a choisi de faire cette activité car il n'avait pas d'autres moyens et surtout un capital pour faire d'autres activités. Célestin Nyonzima explique également que des fois viennent des personnes lui interdisant de travailler, ce qu'il considère comme un défi dans son commerce. Il demande à l'État de faciliter les gens qui font de petits commerces pour qu'ils se développent et aussi. Jacqueline Douimana, chef d'avenir, apprécie le travail de ce monsieur tout en invitant les autres à ne pas négliger tout travail. Célestin Nyonzima affirme que grâce à cette activité de vendre les frites et de patates douces, sa famille est composée de sa femme et ses trois enfants sont bien portants. Merci Jean-Marie Mayonga. La pollution et l'érosion sont des menaces de la biodiversité du lac Tanganyika, selon un spécialiste en écologie aquatique, il s'appelle Kavel Sibomana. Ces menaces entraînent la disparition de certaines espèces aquatiques. Pour la protection effective de la biodiversité du lac Tanganyika, ce directeur du Centre de recherche en sciences naturelles et de l'environnement propose plusieurs solutions, dont la régulation de la pêche sur le lac. Vestine Votoy. Lors de la récente chronique, nous vous avions parlé de l'importance de la biodiversité du lac Tanganyika. Aujourd'hui, le spécialiste en écologie aquatique déplore des menaces à l'endroit de cette biodiversité. Il évoque l'érosion et la pollution. Ces menaces sont notamment la surexploitation des stocks de poissons qui peuvent entraîner le déclin de la biodiversité. Il y a l'érosion et la sédimentation causées par la déforestation et les pratiques agricoles non respectueuses de l'environnement, en particulier dans les zones à forte pente. Il y a le changement climatique. Il y a aussi la pollution qui est causée par les fertilisants provenant des terres agricoles et le déversement d'eau usée urbaine et industrielle. Claver Sibomana révèle que la non-protection de la biodiversité du lac Tanganyika entraîne des conséquences tant sur la population que sur les êtres vivants aquatiques. L'exemple est la disparition de certaines espèces endémiques. Les conséquences sont notamment l'épuisement des stocks de poissons, surtout les poissons qui sont pêchés. Ceci peut avoir des conséquences sur la vie de la population qui dépend de la pêche pour différentes raisons, soit pour comme source de revenus, soit comme source d'alimentation ou bien il y a également la perturbation de l'équilibre écologique et qui entraînerait la disparition de certaines espèces. Pour mieux protéger la biodiversité aquatique, cet enseignant-chercheur à l'Université du Burundi propose plusieurs solutions, entre autres la régulation de la pêche. De plus, les eaux polluées doivent subir un traitement avant leur acheminement vers le lac Tanganyika. Merci Vestine Boutoui. Ainsi se referme ce journal. Mais avant de nous séparer, je vous en rappelle les grandes articulations. L'Union européenne exige de la rigueur dans l'exécution du projet de modernisation du port de Bujumbura qui coûtera près de 100 milliards de francs burundais sur un délai de 24 mois. Un contrat irrelatif a été signé ce jeudi soir. Et certains hommes s'intéressent au petit commerce habituellement fait par des hommes. Vous avez suivi un reportage sur un homme qui vend des frites de patates douces sur la rue en zone Okinahama. Vous venez de l'entendre. Dans la chronique environnement, un expert nous a expliqué que la pêche illégale et l'érosion sont parmi les dangers qui menacent la biodiversité aquatique dans le lac Tanganyika. Il est 13h11 à Bujumbura et sur Isanganiro. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Et c'est Innocent Yvonimana qui l'a mis en onde. Au micro, Jean Bosco Nduimana a passé un très bon après-midi.